Tattoo gekriegt. Go to the river, when I go to the river, I go to the river to fish. Even when I sleep, I just walk on the border. Formation face au vent. Oh. Plusieurs. Make a place for each of us. Yeah, huh. Take a place. Trouver sa place en position. Une réalité alternative. Bifurcation. On dirait un trou de verre. En tout cas, une décorrélation. Le calendrier. J'adore. Synchronisé. J'adore. Corrélé. Les choix que tu as fait. Quand j'adore. Quand j'adore. Ali, Ali Berg. D'un coup, il a fallu évacuer. Évacuer. Évacuer. Je repeignais les volets. D'un coup, l'extérieur Évacuer les lieux immédiatement. Dégagez. Vous n'avez rien à faire là. Accepter d'abandonner. D'une certaine façon, soumettre. Quand on te donne un ordre, évacuer. Clope et moi dodo. Clope tout d'un coup, ouais. Nous aussi, dodo. Ouais, moi aussi dodo. Dodo. Merci. Dodo. La vapoteuse de mes. Non, dodo. Nous, on a fumé des kilos de.